du feu de la clientèle, où les histoires se mêlent, à l'abri du cheptel. L'hôtel du feu de la clientèle, l'hôtel. Les filles retrouvent les gars.